sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Hey, bonjour et bienvenue à l'émission La Dernière Porte à Gauche, édition du 10 avril 2009. Aujourd'hui à l'émission, toujours comme d'habitude, une heure de musique entièrement francophone. Est-ce qu'il va avoir de particulier aujourd'hui? Ben, il va avoir entre autres une nouveauté, la nouvelle pièce de Trois gars sur le sofa. Ça va même être dans le prochain bloc. On va commencer avec ça dans quelques minutes. Vous allez entendre la nouvelle pièce du nouvel album de Trois gars sur le sofa qui va s'appeler Cerf-volant et qui sort le 28 avril prochain. C'est très bientôt. Sinon, il va y avoir du Félix Soud qui est un gars qui s'en vient à Trois-Rivières très bientôt. Je vous en parle dans quelques minutes. Mais avant tout ça, on va commencer avec Damien Robitaille et une pièce extraite de son album L'homme qui me ressemble. C'est Maître de mon être. On écoute ça tout de suite à La Dernière Porte à Gauche sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Ma tête mesure 20 cm cubes. 20 cm, ça contient beaucoup. Tous mes rêves, mes mémoires, mes idées. C'est en ouvrant les yeux que je vais évoluer. J'évolue. J'évolue. Ma chambre mesure 9 mètres carrés. 905 centimètres, ça contient beaucoup. Ma chaleur, mon repos, ma sécurité. C'est en ouvrant la porte que je vais évoluer. Millimètre, centimètre, kilomètre, je suis maître de mon être. Et mon existence est toujours en croissance. Ma ville mesure 15 kilomètres carrés. 15 kilomètres, ça contient beaucoup. Mon travail, ma maison, ma communauté. C'est en voyageant que je vais évoluer. J'évolue. J'évolue. Ma planète mesure 40 000 kilomètres. Tant de kilomètres, ça contient beaucoup. La terre, les mers, toute l'humanité. C'est en visant le ciel que je vais évoluer. Millimètre, centimètre, kilomètre, je suis maître de mon être. Et mon existence est toujours en croissance. Mesure une éternité. Une éternité, ça contient beaucoup. dit. S'intitule Sais-tu ce qui s'en vient? Il est minuit tapant. Ton mari t'attend. Si tu niaises, il sera pas content. Oh, samedi. S'intitule Sais-tu ce qui s'en vient? Les gars qui ricanent, c'est pas à cause de la boucane. Et te voyer tout nu dans la cabane au samedi. Sandy, Sandy, tu le sais-tu ce qui s'en vient? Il est 3 heures du matin. Dehors, il fait moins 20. Et ton dompé tout seul sur le chemin. Oh, Sandy. Sandy. Sandy, tu sais-tu ce qui s'en vient? En plein milieu du bois, y a personne qui passe là. T'es gelé pis tes jambes avancent pas. Tu tombes dans un banin. Pis tu fermes les paupières. Le temps pour une dernière prière. Au samedi. Samedi. Samedi, tu sais-tu ce qui s'en vient? Y'en a qui ont la vie dure, des coups dans la figure. Sandy, elle voulait plus que ça dure. Non, Sandy. Sandy. Sandy, tu le savais, ce qui s'en venait. Ok, vous êtes vraiment pas habitué d'entendre ce type de musique à la dernière porte à gauche. Effectivement, c'est vrai, c'était très countryish, mais généralement la musique de Félix Soud est un petit peu plus légère, vraiment dans le folk, et c'est surtout généralement ça se prend moins au sérieux. Les pièces, l'œuvre en général de Félix Soud est un petit peu plus légère, un petit peu plus humoristique, et pas aussi countryish que celle-ci. Mais bon, quand même, si ça vous intéresse, Félix Soud est du côté du café Le Zénobe demain soir à Trois-Rivières. C'est donc le 11 avril, c'est si vous écoutez en direct, évidemment. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner dans un registre un petit peu plus connu, quelque chose que vous êtes plus habitué d'entendre ici à l'émission, mais quand même dans le folk, quand même une racine commune à travers tout ça. On va aller écouter la pièce « Ours et ciel » qui va se retrouver sur l'album « Cerf-volant » de « Trois gars sur le sofa » qui sort le 28 avril prochain. On écoute ça tout de suite à la dernière porte à gauche. Un ballon qui vole dans le désert, un fantôme qui hante personne, un météore sans rien sur sa trajectoire, un monstre marin encore inconnu dans un lac non répertorié. Cadeau de Noël oublié dans le garde-robe, la radio qui joue toute seule au chalet. Non, non. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non

La pâte à rose, c'est vraiment très bon, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment l'album que j'écoute intensément ces temps-ci. Un très très bon album, et c'est la pièce J'ai rêvé qu'on vient d'entendre, extrait de cet album. Et juste avant ça, bien c'était le premier extrait, le futur premier extrait du nouvel album de Trois gars sous le sofa, la pièce Ours et ciel. Et c'est vraiment très dans l'esprit de Trois gars sous le sofa, très fidèle à eux-mêmes, des mélodies assez simples de guitare, enrobées assez sobrement de quelques arrangements, mais vraiment très très bien ficelé. C'est pas trop lourd, hein, c'est pas trop chargé. La musique de Trois gars sous sofa, sans dire qu'ils font dans le minimaliste non plus, là, c'est quand même juste correct. Puis des paroles toujours aussi naïves et un peu enfantines, mais quand même sans que ça tombe dans l'humour ou quoi que ce soit. Vraiment une recette excellente pour Trois gars sous sofa. J'ai très hâte d'entendre cet album-là, Cerf-Volant. C'est le 28 avril prochain. Maintenant, on va aller écouter un artiste de la France qui s'appelle Modibic et qui est de passage en fait présentement au Québec. Même j'en ai parlé la semaine dernière ici à l'émission, sauf que j'en ai pas fait jouer. J'ai comme manqué de temps à la fin de l'émission pour faire passer la pièce de Modibic. Donc, on va l'écouter tout de suite. Donc, Modibic qui va être de passage à Trois-Rivières jeudi prochain. Je croise mes doigts parce que, bon, si vous me connaissez, vous savez que j'ai vraiment tout qu'un don pour faire échouer les entrevues et performances live. Mais quand même, en principe, jeudi prochain, 16h, respecte les dauphins. Modibic va être ici dans le studio de C'est fou pour une entrevue et une prestation. Modibic qui est au Québec dans le cadre du festival Vue sur la relève. C'est un festival montréalais. Puis, on en profite en même temps tant qu'être au Québec pour amener son pack sac et puis faire une petite tournée. Il se promène un peu là, pendant deux semaines, un peu partout à travers le Québec pour faire des gigs à gauche et à droite. Et il va s'arrêter à Trois-Rivières jeudi prochain. Et nous, on va aller l'écouter tout de suite avec la pièce Le Roi des Souhaits de Modibic. Sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. J'ai peur du noir, j'ai peur des fantômes, j'ai peur des bruits bizarres qui sortent du plancher. J'ai peur du noir, j'ai aussi peur du jaune, j'ai peur de papy le soir quand il enlève son dentier. Malheureusement, j'ai des super pouvoirs. Devient réalité. Il me suffit d'y croire pour que mes plus belles chimères hors de ma tête se mettent à remplir. La guerre en Irak, c'est moi, je l'ai rêvé. Le trou dans ton sac, la veille j'y ai pensé. Quand je regarde un film, j'ai juste à anticiper. Le contenu de la bobine pour changer toutes les scènes qui font chier. Mais il y a aussi du positif. Je peux faire des trucs sympas, ouais, des trucs que tout le monde kiffe. Je peux changer l'eau en vin. Il me suffit d'y croire. Je peux inverser la bouchée, la muse de Céline Dion avec mes super pouvoirs. J'ai peut-être peur du noir. Je suis peut-être une poule mouillée. Je suis peut-être pas une star. Je sais peut-être pas chanter. Mais il me suffit d'un rêve pour que tout le monde crève, pour que tous les morts se relèvent. Car je suis le roi. Je suis le roi des souhaits. Oui, c'est moi le roi. Je suis le roi des souhaits. Je suis le roi. Le rêve est mon royaume. Incline-toi devant moi. Fais de moi ton icône. Garde un claquement de dos. Tes peurs, je te libère. Oui, je ferai de toi le prince de la terre. Que tes cheveux repoussent, moi je pourrais te rendre poilu comme un ours. Si tu trouves que tes seins s'affaissent, moi je ferai que tu t'affaisses dans ses seins. Si tu trouves ton sexe bien trop petit, je t'offrirai celui de Rocosif et d'ici. Tes pieds s'ennuient de fouler la terre, je te ferai les plus belles ailes de l'univers. Si tu veux voir tous les hommes à tes pieds, je leur fabriquerai à tous un joli collier. Si tu veux vivre l'amour sans pareil, comme un riz, comme un bon, je te ferai le soleil. Je te ferai le soleil. Si tu as peur de l'ombre des arbres, pour toi je planterai mettront pour toi des lucarnes qui éclaireront tous les reflets sombres. Alors tu pourras, pendant des soucis, tu tireras la langue au monstre sous ton lit et tu te moqueras de ces anciens fantômes. Peur du noir, mais toi tu n'as plus peur. Il me suffit d'y croire, d'y mettre tout mon cœur. Et maintenant libéré, tu m'as lamé le pion, tu m'as abandonné. Et tu as fait de moi le roi des cons. Oh, c'est moi le roi. Les amoureux deviendront diamants. Quand les soleils s'imprègnent du magnétisme des amants, ce sont les inquisiteurs qui craignent l'arrivée des nouveaux sentiments. Si des soleils métamorphiques brûlent eux aussi tout leur manant, on peut nous voir microscopiques, des forteresses du diamant, puisqu'elles deviendront nos armures pour éblouir les dissidents. Pour nous, elles feront tomber les murs qui viennent enfermer les sentiments. La grève, ce qui me reste d'amour vivant, avant que les regards se lèvent, nous partirons sur l'océan. Quand les soleils s'éteignent entre deux corps amants, c'est le bonheur qui saigne un lys entre les dents. Pierre Lapointe, son nouvel album qui s'appelle Sentiments humains. C'est un extrait de cet album-là qu'on vient d'entendre. Ça s'appelle Le magnétisme des amants. Je ne sais pas si c'est son album, son spectacle plutôt, son spectacle, le concept mutantesque qui lui a donné des idées de grandeur, mais vraiment, on est quand même loin là, de la pop toute coquette et toute menue qu'on a connue au départ avec Pierre Lapointe. C'est vraiment rendu big. Là. Les arrangements sont hallucinants. C'est hallucinant dans le sens de très gros. Vraiment, vous avez entendu toute l'orchestration presque symphonique. Ben oui, symphonique autour de sa musique. C'est vraiment rendu quelque chose de big, Pierre Lapointe. Je trouve que ça, c'est un petit peu moins accessible. Ben pour moi là, c'est quand même grand public le Pierre Lapointe, mais je sais pas, j'aimais mieux son petit côté plus simple piano voix. Mais bon, j'ai pas écouté l'album au complet, je suis sûr qu'il a quand même gardé ce petit côté là. Faudrait vraiment que j'écoute l'album au complet avant de pouvoir vraiment le qualifier. Mais bon, c'est sûr que Pierre Lapointe, ça reste quand même dans un registre assez populaire. Mais c'est ça, je trouve j'aimais mieux son petit côté plus tranquille, plus piano voix. Bon, voilà pour Pierre Lapointe et voilà pour la fin de la première moitié de l'émission qui a quand même été assez à sonorité populaire, je dirais. Ça va changer un peu pour la deuxième moitié. On s'en est dans un petit côté un petit peu plus, sans dire sombre ni obscur, je dirais un petit peu moins accessible, moins populaire. Donc on s'en va en pause tout de suite et puis c'est ça qui nous attend au retour. village. Il est faux occuper ma petite sœur par la brèche. J'observe leur allée. Cette nuit, j'ai égorgé des poules. I'm not. des cris, des symphonies. À l'aube de la nuit. Feu Thérèse avec la pièce Visage sous nylon, histoire de faire un peu contraste avec le son un peu plus pop qu'on avait entendu au début de l'émission. Puis juste avant ça, on a entendu Polype avec la pièce régulier. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas joué, ça, du Polype sur les ondes de C'est fou. On avait aussi entendu Le Roi Poisson avec la pièce Benny. Maintenant, on va changer encore un peu de style. On va s'en aller plus du côté rock avec une pièce de Caféine. De Xavier Caféine, mais en fait, vraiment, à l'époque où il y avait son groupe Caféine, c'est extrait de leur premier album, Maléduquer mon amour, et je trouve tellement que c'est une pièce qui a super bien vieilli. Ça pourrait avoir été créé récemment, puis je le croirais. Là. Ça pourrait être une nouvelle pièce, puis je pourrais absolument croire ça, mais ça date quand même de 12 ans déjà, cet album-là, Suicide Pop Song. C'est ça, Suicide Pop Song, la pièce de Caféine, qu'on va l'écouter tout de suite. Peut-être que pour l'instant, on va aller écouter plutôt une pièce de Malajube. On va l'écouter à Portée disparue de Malajube, tiens. Puis un petit peu plus tard, Caféine, promis. fugitif, c'est écrit dans son sang. Il aime les aiguilles, ça fait bientôt 10 ans. Il est mourant. Ouais, c'était Caféine avec la pièce Suicide Pop Song, finalement. On a réussi à l'avoir, donc c'est ça, ça date vraiment de très longtemps, mais on attend toujours aussi un album de Xavier Caféine tout seul, parce que son dernier, ben son premier album en fait, qu'il a fait seul, a vraiment eu beaucoup de succès, puis il travaille présentement sur son prochain, mais encore pas de date d'annoncer pour une sortie d'album prochaine pour Xavier Caféine. L'émission est presque terminée, il reste un petit peu de temps quand même, donc on va aller écouter une pièce du groupe qui s'appelle Archigéant. C'est une nouvelle entrée sur le palmarès francophone cette semaine avec la pièce Autobanoman Anonyme, un titre qui est quand même pas si facile à dire. Donc c'est ce qui va terminer l'émission, cette pièce d'Archigéant. Juste le temps de vous rappeler que si vous écoutez l'émission en direct les vendredis soirs, c'est les fabuleux lutins de l'enfer qui s'en viennent. Et sinon, ben, moi je vous retrouve jeudi prochain, le 16 avril, pour la dernière émission de Respecte les Dauphins, avec, comme je le disais un peu plus tôt, si on est chanceux, la présence de Moby Bic en entrevue et prestation. Et sinon, ben tout l'été, vendredi à 20h, la dernière porte à gauche, ça continue. Donc voilà pour aujourd'hui. On se laisse avec Archigéant. Bye bye. toutes les choses.